Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Laurie Fardois, bonjour. Bonjour. L'année 2020 était pour vous le départ d'une nouvelle aventure. Vous avez lancé La Tête dans les Nuages, une librairie itinérante sur les routes de Moselle et de Meurthe-et-Moselle. Alors expliquez-nous en quelques mots le concept de La Tête dans les Nuages. Alors La Tête dans les Nuages, donc c'est une librairie itinérante qui est maintenant en roulotte. Donc c'est un magasin aménagé avec de la vente de livres, de loisirs créatifs et de jeux de société pour les petits et les grands, qui va de commune en commune, qui va vers les habitants. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette librairie itinérante ? L'aspect mobile du magasin, le fait de pouvoir aller vers les gens et non pas d'attendre dans un magasin, en fait. Là, c'était vraiment l'idée d'amener le livre aux gens, donc sur les marchés ou sur des emplacements. Et vous faites aussi des ateliers, des animations, on va y revenir. Déjà, La Tête dans les Nuages, pourquoi ce nom, tout simplement ? C'était un nom qui me plaisait, qui invite un petit peu au rêve, tout simplement. Et La Tête dans les Nuages, ça a un an d'existence maintenant. Vous l'avez créé à l'été 2020, une année un peu compliquée pour lancer un projet comme celui-ci. Oui, mais c'était un projet qui était prévu depuis longtemps. C'est vrai que j'ai hésité à me lancer à cette période-là. Au final, je l'ai fait et j'ai bien fait parce que les gens avaient quand même un besoin de retour un commerce de proximité. Voilà, donc on sentait quand même que les gens avaient ce besoin-là d'avoir le commerce qui vient à eux. Donc cet accès à la culture aussi. Vous allez donc dans des villages de Meurthe-et-Moselle et de Moselle qui n'ont pas de librairie aussi non plus. C'est des petits villages, c'est beaucoup. Ça. C'est ça. Donc je privilégie vraiment les communes sans librairie. Donc, le but, c'est vraiment pas de faire concurrence aux libraires indépendants que je soutiens énormément. Donc c'est vraiment d'aller dans les endroits sans librairie. C'est les mairies qui font appel à vous ? Vous allez directement, spontanément, dans une commune ? Comment ça se passe ? Au départ, en fait, c'est spontanément dans une commune que j'ai choisie au démarrage par rapport au marché, donc au marché du matin ou de l'après-midi. Et ensuite, de plus en plus, par le bouche à oreille, en fait, on me dit telle commune serait intéressée par votre présence. Donc après, c'est de plus en plus, ça se développe par le besoin de la part des habitants ou de la part de la mairie, effectivement. Il y avait une demande de fait. Alors, quel accueil vous avez de la part des petits et des plus grands aussi qui vous voient arriver avec une roulotte aussi, on va en parler après. Accueil plutôt étonné au démarrage et ensuite plutôt très bon accueil en sachant que aussi je propose les livres à la commande. Donc en fait, les personnes peuvent me retrouver d'une fois sur l'autre en me commandant un titre en particulier. Voilà, donc peuvent retrouver la commande qu'ils ont faite auprès de moi d'une fois sur l'autre. Et effectivement, la roulotte qui est arrivée donc depuis devant moi maintenant. Donc avant, en fait, j'avais tout simplement mon stand avec ma table et mon parasol. Et donc, je déballais les livres, les jeux sur cette table. Et depuis peu, donc, j'ai pu avoir une roulotte aménagée. Donc, c'est un petit magasin roulant que je tracte avec la voiture. Et les gens peuvent rentrer à l'intérieur, en fait. Donc, ça fait vraiment un petit magasin avec une capacité d'accueil de 4-5 personnes en même temps. Voilà, c'est une petite roulotte en bois de couleur orange, je crois. Oui, elle est dans les tons orangé jaune en fait. Donc ça, c'est la couleur du bois. Et puis avec un petit nuage de dessiné et avec le logo, la tête dans les nuages. Et c'était votre idée depuis le début aussi d'avoir une roulotte à terme ? Exactement. En fait, je l'attendais depuis le début. Hein, je l'attendais depuis très longtemps. Mais d'avoir, comme d'autres librairies itinérantes ailleurs en France, certains libraires itinérants utilisent un camion, un ancien bibliobus. Voilà, donc ça a différents aspects et moi j'avais bien aimé le côté roulotte, le côté bois, j'aimais énormément ce côté-là. Et voilà, donc ensuite j'ai réussi à l'avoir au début de l'année et j'ai fait une cagnotte sur Ulule pour pouvoir financer l'aménagement intérieur qui a été complètement réalisé sur mesure par un menuisier à Nancy. Alors ça se concrétise donc et parmi aussi vos activités, bien sûr la librairie, le côté commercial bien entendu, mais vous faites aussi des ateliers, vous faites des animations. Il y aura aussi des animations au courant du mois d'août. Expliquez-nous un peu en quoi ça consiste et vers qui ça se destine. Alors en général, pour le moment, c'est plutôt vers les enfants. Donc je fais de plus en plus d'ateliers d'animation lecture. Donc je choisis par exemple quelques albums que je présente et que je lis aux enfants. Également, oui, des ateliers, donc un petit mélange de loisirs créatifs et lecture, ou bien loisirs créatifs et jeux de société, dans le but de faire aimer la lecture, de faire aimer les jeux. Donc ça, j'en prévois de plus en plus. J'en fais ce mois-ci au mois de juillet et j'en prévois effectivement pour le mois d'août et pour le mois de septembre. Poursuivre votre actualité et savoir un peu où vous êtes sur les routes de Moselle et de Meurthe-et-Moselle, comment on fait? Bah, vous pouvez me suivre sur mon site internet. Donc c'est librairieltdln.fr, comme la tête dans les nuages, et aussi sur le Facebook ou l'Instagram. Donc à chaque fois, je publie mon agenda, comme ça les gens savent où me trouver, à quel endroit et quelle date. Voilà, et puis ils peuvent suivre aussi les petites actualités, les petites photos que je poste de temps en temps pour animer un petit peu. Alors pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette deuxième année de La tête dans les nuages? Ben, que ça continue sur cette lancée et de pouvoir continuer de développer les animations, en fait, je trouve ça très important, je trouve que c'est une partie très importante du travail. Indissociable. Exactement. Merci beaucoup, Laurie Fardois. Ben, merci à vous.